Bienvenue sur RVL, aujourd'hui c'est un duel entre Guy Konopnicki et Alain Soral. Un duel démocratique et républicain, ce n'est pas un duel où s'impose la pensée unique et le politiquement correct. Un duel démocratique et républicain, c'est un duel où chacun dispose du même temps de parole pour défendre ses idées, quelles qu'elles soient, avec les mots qu'il désire. Ici, pas de censure ni d'intervention intempestive de l'animateur que je suis, non. Seul accessoire pour ce duel, une pendule pour joueur d'échecs. Messieurs, vous disposez donc chacun d'un chronomètre à rebours de durée équivalente. On commencera à 30 minutes chacun. Ce chronomètre vous indique à chaque instant de l'émission combien de temps de parole il vous reste. Vous vous exprimerez chacun à votre tour. Pendant votre temps de parole, la pendule qui est de votre côté tourne. Celle-ci ne s'arrêtera de tourner qu'à partir du moment où vous rendez la parole à votre adversaire en appuyant sur votre bouton poussoir. À partir de ce moment-là, la pendule tournera, sa pendule tournera et vous n'aurez plus le droit à la parole avant qu'il ne vous la rende à son tour en appuyant sur son propre bouton poussoir. L'échange se poursuit ainsi de suite jusqu'à ce que l'un de vous n'ait plus de temps à sa disposition. L'autre pourra alors conclure l'émission pendant le temps qui lui reste. Alors messieurs, les règles vous paraissent-elles claires ? Oui. Ah, le son, oui, oui. C'est le blitz, c'est échec. Oui, oui. Le blitz, c'est 5 minutes. 30 minutes, c'est une partie semi-rapide. Oui. Voilà. Si on veut être précis. Alors, donc, on va tirer à pile ou face pour savoir qui décide de commencer. Qui a les blancs, qui a les noirs. Qui a les blancs, ouais. Qui a les noirs. Alors, qui dit pile, qui dit face. Je vais dire face. Alors, j'ai envie de dire pile, donc c'est bon. Ah, c'est bon. Et c'est face. Alors, vous décidez de commencer ou vous décidez de laisser la parole pour répondre à la première question ? J'aimerais bien que Soral nous explique Marx, votre Le Pen. Alors, on commence par parler de Marx. Alors, hein, c'est pas tout de suite. Ouais. Donc, j'introduis justement, c'était ce qui était prévu, c'est parfait. Donc, on va dire que dans les médias, ça fait des années qu'on nous explique que que les anciens du Parti communiste qui votent Jean-Marie Le Pen sont soit des déçus de la politique et donc c'est un vote sanction, ou soit sont simplement désespérés. Effectivement, Alain Soral, vous avez déclaré que Marx aujourd'hui voterait Le Pen. Alors qui commence ? Je crois que c'est moi, c'est ça ? J'appuie là ? C'est vous qui parlez en premier ? Oui. Alors non, c'est à Guy Konopnicki d'appuyer et c'est votre temps qui va défiler. D'accord. Alors, c'est parti. Bon, déjà, c'est une... Il y a une partie boutade, hein. Si Marx était vivant aujourd'hui, il voterait Le Pen. Je fais un peu parler, il voterait Le Pen. Oui, je fais parler les morts, c'est facile. Mais ça a quand même un sens. C'est de se dire, si le but de Marx à l'époque, c'était de lutter contre la bourgeoisie dominante, hein, et d'essayer de marquer des points par rapport à cette classe oppressive, aujourd'hui, en France, pour des raisons dialectiques, voter Le Pen peut être un vote de résistance et un vote subversif. Ça va pas tellement plus loin. Alors, retour à Marx, parce que si on parle de Marx, on parle de la lutte des classes. Et effectivement, l'explication qui a été donnée tout à l'heure sur le vote de désespoir, après l'échec de la lutte des classes, la mort de la classe ouvrière traditionnelle, et donc ces gens qui vont se retrouver, ces ouvriers qui vont se retrouver pré-retraités, chômeurs avant l'âge, retraités avant l'âge ou chômeurs, ce sont les plans sociaux de la sidérurgie, ceux de l'automobile, ceux de ce qui a été l'industrie lourde française. Moi, j'ai le souvenir direct de ces combats. Au fond, on parlait tout à l'heure de notre passage, pas au même moment, au Parti communiste français. 1963, mon adhésion, c'est simple. On est en train de soutenir les mineurs en grève, ce qui est la première des grandes grèves de la restructuration industrielle, c'est la grande grève des mineurs. On sait que le charbon, ça va être fini. Et puis 78, ce sont les plans de la sidérurgie. Gouvernement Barre. Et je ne quitte pas ces batailles, mais bien au contraire, je réalise que nous avons affaire à une direction politique qui campe sur une défensive insensée, qui consiste à dire on fera toujours du charbon, on fera toujours de l'acier, quand on sait que c'est fini, pas seulement pour des raisons industrielles, mais aussi pour des raisons industrielles. Et donc, on emmène le mouvement ouvrier, mais pas seulement le mouvement ouvrier, parce que c'est toute la classe politique qui emmène la classe ouvrière dans une impasse totale, en lui racontant que la société industrielle ne va pas se transformer, et qu'elle peut se défendre. Alors les uns en lui disant « acceptez les sacrifices », et les autres en lui disant « refusez-les ». Et on est dans cette impasse-là. Et c'est dans cette impasse, moi je décide de me battre autrement. Or, je ne crois pas qu'un vote qui aujourd'hui s'oppose à une partie des travailleurs, c'est-à-dire aux travailleurs migrants, aux travailleurs de nationalité étrangère, mais moi j'aime pas dire qu'ils sont étrangers, parce qu'ils ne sont pas étrangers au travail, ils ne sont pas étrangers à la classe ouvrière, ils sont venus travailler en France, et le vote Le Pen est, qu'on le veuille ou non, un vote d'hostilité envers une grande partie des gens qui bossent. Et donc ça ne peut pas être un vote de classe dans lequel on pourrait se référer à notre pauvre Karl Marx. Donc là on évoque plusieurs choses. On évoque dans cette espèce de blocage de la gauche communiste de l'époque, la volonté de rester sur un schéma classe contre classe, alors que il y a ce qu'on appelle une métamorphose des classes et de la lutte des classes, qui est imposée par ce qu'on appelle la dérive de l'accumulation capitaliste. Et on voit notamment l'émergence de ce qu'on appelle les couches moyennes salariées, et même, chez les économistes marxistes, une réhabilitation du rôle des classes moyennes. Et c'est de ce point de vue-là, déjà, que je me dis, aujourd'hui, si on met de côté la trahison de la gauche qui a abandonné de toute façon les ouvriers et même les salariés pauvres, on se dit cette gauche historique ne défend plus les classes populaires, puisque le PS ne le fait pas et le PC ne le fait plus, on va dire en gros, puisqu'il y a une vraie décision à un moment donné du PC de choisir soit de retourner une voie révolutionnaire, soit d'être les collabos du PS pour sauver ce qu'on appelle l'appareil, et ce choix ils le font, je pense que mon adversaire l'admettra aussi. Donc on se dit de toute façon, la classe ouvrière est en train de disparaître à cause des changements des rapports de production, et de toute façon le PS et le PC ont abandonné ses successeurs, et donc il y a à la fois de se dire, ces gens-là ont trahi leur mission. D'autre part, l'évolution des rapports de production fait que la classe progressiste, la classe qui produit, qui peut produire à nouveau de la valeur ajoutée, sera plutôt les couches moyennes salariées et les classes moyennes, et on se dit, quel est le mouvement politique qui défend ces classes aujourd'hui intrinsèquement progressistes? Et là, on se dit finalement, le Front National peut être le mouvement politique qui défend ces gens-là, parce qu'en fait, c'est son électorat. Et moi, ma pensée, c'est de dire, je dois aider la direction du Front National à se rapprocher de ses électeurs. Et c'est un peu ça, ma stratégie. Alors d'abord, l'une des questions est de savoir s'il y a aujourd'hui véritablement une classe porteuse du mouvement de l'histoire, comme on pouvait imaginer, au temps de Marx, que le prolétariat a été porteur du mouvement de l'histoire, comme la bourgeoisie, toujours dans la liste marxiste, a été porteuse du mouvement de l'histoire en 1789. Ça me paraît un tout petit peu complexe. Pourquoi ? Parce que les blocs auxquels nous avons affaire ne sont pas seulement des blocs de classe. Ce qui a toujours été vrai, ce que les marxistes ont négligé, puis jusqu'au moment où ils étaient obligés de ne plus le négliger, c'est parce que les guerres éclataient, ou qu'on se retrouvait dans les situations soit de guerre mondiale, soit de guerre coloniale. Donc, déjà, l'affaire est de ce point de vue plus complexe. Si on admet qu'il y a un bloc salarial, en gros, qu'il y a ces classes moyennes, non pas réhabilitées d'ailleurs par les économistes marxistes, parce que ce sont des nouvelles classes moyennes, c'est-à-dire que ce n'est plus les gens s'attachant à un outil archaïque de production, qui étaient les anciennes classes moyennes, mais au contraire créant en général des nouveaux outils de production, et dans tous les domaines des nouvelles technologies, on a vu apparaître des start-up, on a vu apparaître des petites entreprises, des PME, etc. Bon, sans doute, ceci est porteur. Alors je ne crois pas que la gauche les ait trahis. Je crois au contraire que le problème de la gauche, du Parti Socialiste, notamment, et certainement des Verts, c'est de ne représenter plus qu'elle. C'est de ne représenter plus qu'elle. Et donc, nous avons une cassure dans le peuple, qui profite au Front National, sans aucun doute, nous avons une cassure dans le peuple, où on est en trois morceaux. Trois morceaux qui sont, en gros, ce bloc productif, à peu près représenté par la gauche, qui sert ses intérêts. L'autre bloc productif, on va dire plus traditionnel, plus ouvrier, mais qui est largement étranger, et toute une partie du peuple, étranger au sens de la possession de la nationalité française, quoi. C'est-à-dire, les ouvriers stricto sensu, ceux des chantiers, ceux de ce qui reste d'usine, ceux du travail manuel. Disparition du travail qualifié parce qu'il est remplacé par un travail en gros intellectuel ou tertiaire qualifié. Et puis, ceux qui sont tombés, ils sont réservistes, ils sont pré-retraités. Et ceux-là ne sont plus représentés par personne, parce qu'il est exact, vous avez raison, que le Parti communiste, à deux reprises, jouer un rôle dans la lutte des classes, ligne révolutionnaire ou ligne réformiste, d'ailleurs peu importe, jouer un rôle dans la lutte des classes ou sauver l'appareil. Voilà. Et c'était déjà la décision de 78. Parce que aller au pouvoir en 78 dans un rapport de force qui est celui du programme commun avec un PC plus puissant que le Parti Socialiste, même s'ils ne sont que équivalents électoralement à ce moment-là, le PC est plus puissant dans son implantation, ils décident de ne pas y aller, parce qu'ils sauvent l'appareil. Parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans un processus que moi je caractérisais de processus révolutionnaire, qui est revenir sur Tours et penser à 1905, reconstruire un grand mouvement ouvrier français, un grand mouvement socialiste français, en se disant, ben voilà, le temps de la soumission à l'Union soviétique, le temps de l'appareil, le temps tout ça est terminé, ce qui compte c'est la classe ouvrière, ce qui compte c'est les travailleurs, et à ce moment-là, on va dans la dynamique. Ils ont arrêté cette dynamique, pour sauver l'appareil. Moins, comme on l'a dit, par allégeance à l'Union soviétique qui était déjà décadente, que par confort de pensée, que par habitude de tenir une CGT, de tenir des municipalités, de tenir quelques départements, enfin du moins deux, etc. C'est tout un monde qui va se défendre au lieu de l'année d'avant. Le résultat, c'est ce qui devrait être le bloc populaire, le bloc historique, pour prendre des catégories gramsciennes, grande suite du marxisme, le bloc historique est depuis 25 ans, tronçonné en trois parties, et je ne vois pas comment, en prenant une position qui rejette une des trois parties, c'est-à-dire encore une fois les travailleurs étrangers et leurs enfants, je ne vois pas en quoi on pourrait servir ces catégories populaires, servir ces classes populaires et travailler à leur réunification dans une vraie dynamique nationale d'ailleurs en plus. Parce que je pense que c'est dans une dynamique nationale que ça doit se faire. J'ai encore cette pensée-là qui est la pensée communiste depuis l'interview de Maurice Torres au Times en 1946. J'ai gardé ça. Alors là, on aborde le problème du travailleur étranger. Et c'est vrai que c'est pour moi la difficulté de ne pas passer pour un salaud, parce que le problème c'est pas de rejeter le travailleur étranger, c'est à quoi, dans quel jeu le travailleur étranger est-il manipulé par la logique du grand capital. Le problème c'est ça, c'est que la droite intelligente, la droite d'affaires, a bien compris, on voit bien que c'est la convergence, on va dire Madeleine-Besancenot, ou Berlusconi-Besancenot, a bien compris quel rôle il pouvait faire jouer aux travailleurs étrangers dans un travail de dumping social qui est là pour faire baisser les acquis sociaux, qui effectivement, suite au CNR et aux accords passés entre les communistes et les gaullistes après-guerre, ont produit quand même une hausse des acquis sociaux assez sérieuse, une élévation du niveau de vie des couches populaires, et que c'est ça, on est dans une période de contre-révolution libérale, c'est ça qu'il a été question de liquider à partir de 73, en s'appuyant tantôt sur le choc pétrolier, tantôt sur ceci, et en se servant du fait qu'on n'est plus dans le rapport classe contre classe, et que les couches moyennes salariées n'ont pas une conscience de classe qui correspond à leur situation de classe, on va dire, puisque par la logique du standing, ce sont des petits bourgeois qui font partie d'un glacis salarial, ou s'ils sont dans les salaires un peu élevés, se sentent des bourgeois et pas solidaires des bas salaires. C'est-à-dire que là, on a la logique de l'accumulation capitaliste qui ont fait bouger, métamorphoser les classes sociales. Le patronat a bien compris qu'il n'y avait plus de solidité de classe, de conscience de classe, et qu'il pouvait diviser pour régner. Et dans cette stratégie globale de diviser pour régner, on joue le salaire au moyen contre le bas salaire, en disant vous, en jouant sur le standing, d'où les canards comme l'Express, le Point, pour que le salarié qui gagnait 25 000 par mois se prenne pour un bourgeois, se sente solidaire du patronat, alors qu'en réalité il n'est pas propriétaire de ses moyens de production, et prenne l'OS1, l'OS2 et même l'OQ pour un connard de cégétiste. Et donc là-dessus, le patronat a marqué des points, ce qui était assez facile, et on a donc une double destruction de la défense du travailleur français. C'est la division intérieure du travailleur en manipulant les psychologies et en se servant du travailleur étranger. Et c'est pour ça que moi je n'ai rien contre je dis toujours l'immigration n'est pas un problème de racisme, un problème contre les immigrés, mais c'est à quoi servent aujourd'hui les immigrés dans le rapport capital-travail en France. Et ça sert objectivement à faire du dumping social. Et comme il y a beaucoup de chômage en France, et comme il y a beaucoup d'étrangers qui ne rentrent pas pour travailler en France parce qu'ils sont sous-qualifiés mais pour échapper strictement à la misère dans une logique de survie sans vision, là on est face aux marchands de sommeil, on est face à tout ça, et c'est pour ça que j'estime délirantes les positions surtout de l'extrême gauche qui sont pour la régularisation des sans-papiers sans se poser aucune question. Et quand je vois d'un seul coup Berlusconi d'accord avec Besancenot, je me dis il y en a un des deux qui est en train d'enculer l'autre, quoi, hein, et je pense qu'il y en a un qui a plus les moyens que l'autre, quoi. mort sur cet accord réel de convergence entre le grand capital incarné par exemple par Berlusconi et une extrême gauche qui elle aussi défend un fonds de commerce qui n'a jamais pour l'essentiel été enraciné dans la classe ouvrière et donc dont la position va être toujours de jouer avec la jeunesse d'un côté, et en jouant à chaque fois, d'ailleurs, sur du sentimental, parce qu'on va leur jouer les immigrés, on va jouer sans papier, on va jouer de l'autre côté, et puis de l'autre côté, les différentes manières de jouer démagogiquement avec avec l'immigration. Bien sûr que ça, ça sert effectivement au dumping social, ça sert effectivement à revenir sur les acquis. Après, la question, c'est comment on combat. Et ça, ce que ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite, c'est les deux méthodes les pires. La première méthode sera à dire à culpabiliser, en gros, les travailleurs français, voire les travailleurs étrangers munis de papier, parce qu'ils n'accueillent pas les autres. Ça, c'est la méthode Besancenot, Beauvais, bon. Et l'autre méthode, qui est quand même de désigner le migrant comme l'ennemi et le migrant que l'électeur ne reconnaît pas à ses papiers parce qu'il fouille pas dans ses poches, il n'est pas flic, et donc il le reconnaît plutôt à ce qu'il est, et souvent il prend pour un immigré, quelqu'un qui est français depuis trois générations, ou un Antillais qui est français avant la Corse, la Martinique est française avant la Corse, c'est bien connu, et donc évidemment que dans le flot électoral, qu'on le veuille ou non, l'électeur entend d'une manière raciste, xénophobe, la manière dont intervient le Front National. D'autant que, eh bien, on ne s'en prend pas à l'essentiel, c'est-à-dire les négriers, qui les fait venir, comment, les patrons, nous savons tous que dans le bâtiment et travaux publics, par exemple, y compris quand on est sur des chantiers, sur fonds publics, les sous-traitants emploient de la main-d'œuvre sans papier, et donc c'est le code du travail qu'on bafoue, d'abord, hein, donc ce sont les travailleurs sans charge sociale, etc. Je ne vois pas comment on défend et ces travailleurs exploités et qui n'ont pas droit aux acquis sociaux, et les travailleurs que l'on va flouer de l'emploi puisqu'on leur trouve une concurrence moins cher, en ne tapant pas sur l'essentiel, c'est-à-dire sur les patrons, en l'occurrence, sur les trafiquants de main-d'œuvre. En plus, on peut citer, parce que, désolé, mais les agriculteurs de la vallée du Rhône, d'une main, ils votent Front National, et de l'autre main, eux aussi, ont des camions entiers d'Africains qui traversent l'Espagne, qui viennent le temps de la saison et qu'on vire après. Et il suffit de regarder les circonscriptions où ils sont, je dis, finalement, cette xénophobie, ce racisme contre ces travailleurs saisonniers, ça les arrange parfaitement, les employeurs. C'est eux que ça arrange. 11 minutes de temps écoulées pour Guy et 5 pour Alain Soral. Là, on a encore abordé plusieurs sujets intéressants. C'est vrai, par exemple, si on veut reprendre le... Parce que moi, je suis surtout un critique du gauchisme, parce que... Monsieur Konopnicki a abordé tout à l'heure le fait qu'on a laissé tomber les fondamentaux qui sont les rapports de production sur les marxistes pour des catégories sociétales comme les jeunes, les femmes et d'ailleurs le racisme est une catégorie sociétale puisque moi je crois que c'est un pseudo-concept politique. Le problème c'est pas savoir si on est raciste ou pas, c'est qui exploite l'autre. Et on peut très bien démontrer que globalement le noir, en admettant qu'il existe, qui est déjà une abstraction, est pas plus antiraciste envers le blanc que le blanc envers le noir. Le problème c'est qu'historiquement il y en a un qui exploite l'autre systématiquement et l'autre qui n'en a jamais eu les moyens. D'ailleurs on pourrait poser la question de savoir que peut-être que s'ils en avaient les moyens, ils le feraient, parce qu'on sait bien que l'histoire... Quand on prend par exemple le monde arabe, c'est qu'ils ont été dominants à une époque, après ils n'ont plus les moyens, et qu'il y a une espèce d'idéologie de l'apologie de la défaite, où moi parfois j'emploie une métaphore, je dis quand on gagne un match de foot, on ne s'excuse pas d'avoir gagné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on mélange un peu tout, le fait d'avoir été dominant historiquement et en termes de civilisation, le fait d'essentialiser les victimes et les bourreaux, alors que tout ça est très est très mouvant, puisque si on prend le monde du Maghreb, on a quand même essentialisé la relation entre guillemets, à l'immigré. On ne fait plus la différence entre l'Algérien, le Marocain, le Kabyle. On sait que tout ça est beaucoup plus complexe. Et le gauchisme, en termes de catégorie de classe et en termes de vision sérieuse, a énormément fait de dégâts. C'est-à-dire qu'il a laissé, on va dire, la jeunesse de gauche démunie en termes de concept. Hein, puisqu'on n'est plus que sur les femmes, les jeunes, les basanés. L'autre jour, comment il s'appelait, Krivine parlait de basanés à la télé, ce qui est scandaleusement raciste, parce que c'est comme moi si un noir me traitait de blanchette. Je pense que le basané est tantôt d'origine marocaine, tantôt d'origine algérienne, tantôt français d'origine marocaine et tantôt marocain, pas français, et ils n'aiment pas qu'on les confonde. Et c'est très colon de les amalgamer comme le font souvent les trotskistes. Et c'est tout ça, moi, que j'ai voulu pointer du doigt. Après, deuxième aspect, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de classe messianique. Et c'est vrai qu'au Front National, on a un petit peu le messianisme des classes moyennes, comme classe du moins pire, parce qu'on se dit les classes moyennes produisent de la valeur ajoutée. En termes de capital investi, c'est ceux qui créent le plus d'emplois. On est dans une logique d'échelle humaine, ce qui est quand même moins violent que la logique multinationale. Ils ne sont pas soumis non plus à la logique, disons, du capitalisme mondialiste essentiellement financier. Ils protègent quand même certaines choses auxquelles je suis attaché. Et là, on excède un peu les catégories marxistes, bien que Marx en parle pour ceux qui ont lu ses œuvres, qui est la question de la... De ce qu'Orwell parlait dans la commune des sensi, le fait de pouvoir vivre ensemble, qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce qu'une communauté de culture. Et c'est là où là j'ai une petite remarque à faire par rapport à M. Konopnicki, c'est qu'il ne suffit pas de produire dans un pays pour être un citoyen de ce pays. Il faut aussi l'aimer, parler sa langue, partager son histoire, parce que c'est important pour la paix civile. Et à un moment donné, il y a eu un espèce d'économisme marxiste qui a été un peu exagéré, d'ailleurs pas par Marx, mais par ses lecteurs et ses applicateurs, qui ne donne plus prendre en compte que les catégories économiques, et donc en vrai de ne voir plus que les gens comme producteurs et consommateurs. Et moi, je m'inquiète d'un pays, et là c'est la force de l'ultralibéralisme mondialisé, qui est une forme d'internationalisme sans générosité, c'est de dire la France est un grand supermarché où tout le monde est acteur, producteur ou acteur consommateur, et on s'en fout de savoir si le mec ne parle pas la langue, s'il ne sait pas qui sont nos ancêtres, s'il n'a pas la même religion, et ça crée des troubles. Et là c'est une analyse que j'ai faite plus récemment, où à un moment donné le marxiste que je suis s'intéresse à Maurras et cède de le mépriser totalement, pour se dire il touche des questions du doigt qu'on a un peu laissé de côté, qui est la question de l'enracinement, la question de la culture partagée, la question de la volonté du destin commun, et que quand à un moment donné on n'est plus que sur des revendications qui ne sont même plus collectives avec la morale prolétarienne mais purement individualiste, avec des purs rapports de consommateurs qui sont acharnés sur leurs droits de consommateurs, on ne fait plus une société avec ça, et ça va mal. Et moi je crois que le Front National, malgré lui, a réintroduit ces questions, et que moi, qui suis marxiste au départ, je crois l'être, essayer de comprendre ce que Maurras peut ajouter au marxisme en ce moment, c'est aider à améliorer les choses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus pousser du revers de la main les questions d'enracinement, de société, de peuple. C'est-à-dire que moi, j'avais écrit que j'aime que la France était ma mère. C'est-à-dire que j'aimais la France de manière irrationnelle, comme un enfant aime sa mère. Et c'est vrai qu'à la limite, en catégorie de sociologie rationaliste, positiviste, ça serait considéré comme une aliénation. Or, cette aliénation qui n'en est pas une est au cœur même du vivre ensemble, des communautés, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et je tiens à ce qu'on les remette au devant de la scène. C'est aussi pour ça que je me suis rapproché du Front National, parce que je crois que l'idée de préférence nationale, et non seulement d'ailleurs une protection économique des citoyens français, et les trois quarts d'ailleurs des gens qui se croient immigrés, et qui croient que Le Pen les désigne du doigt, sont en réalité des Français, mais ils pensent que, comme ils sont français d'origine algérienne, Le Pen les comptabilise dans les immigrés. Or non, justement la préférence nationale est profondément antiraciste, parce que quelqu'un qui a ses papiers de français, c'est-à-dire que tous ces gens français de première génération sont pour moi presque plus français, si j'additionne leur carte d'identité plus leur attachement à notre culture, sont plus français par exemple que Sarkozy. Alors je crois, moi, que le gauchisme, sur une partie de l'analyse, on est étrangement d'accord, mais je crois que c'est précisément une partie de 68 à laquelle je me suis opposé en 68 comme responsable de l'Union des étudiants communistes, qui a fait le lit de cette étrange chose qu'est le Front National, en niant précisément cette idée. Il ne suffit pas de produire dans un pays pour être pour en faire partie. Bon. Nier cette idée, ce que font effectivement les diverses formations d'extrême gauche, plus chrétiennes, elles ont substitué une espèce de néo-christianisme Ça, c'est parti de ce qu'on a appelé la deuxième gauche, dans le réformisme, et de la version extrême gauche de cette deuxième gauche. C'est en gros un néo-christianisme substitué au marxisme avec une magnifique figure de Christ qui est un Guevara nu au moment. Et donc, on se tourne vers les gens parce qu'ils sont stigmatisés, parce qu'ils sont pauvres, etc., et non plus dans les rapports sociaux, et surtout. On a la saloperie, parce que c'en est une, la saloperie de les considérer comme ces pauvres, et non plus comme des gens à part entière qu'on va intégrer à une communauté. Et on leur refuse le drapeau tricolore. C'est ça, j'ai suivi cette polémique, même si Ségolène a dit, on se trouve ridicule le petit drapeau à la maison, ce qui est un peu une américanisation du patriotisme, donc c'est un peu absurde. Mais le drapeau tricolore, la Marseillaise, il y a des choses que je ne vais pas chercher dans Maurras, moi, mais dans Aragon. Ce qui est bien, c'est un volet intermédiaire, parce qu'Aragon avait parfait pour lui, Maurras. Et Barès, mais ma France aux yeux de Tourterelle, le musée Grévin, etc. Et ce qu'Aragon dit, démontre magnifiquement en poésie et en roman, et qui est ce que, d'ailleurs, à l'épisode du Pacte germano-soviétique presse, ce que construit le Parti communiste à partir de 1934-35, à partir du Front populaire et de Thorez, c'est précisément de dire, entrez dans la communauté nationale. Vous allez y entrer par la lutte. Et quand je dis j'ai adhéré jeune à partir de cette expérience-là, de fils d'étrangers ayant choisi la France, ayant choisi pour mon père et les siens de combattre pour elle, leur histoire, c'est la fiche rouge, c'est des gens qui ont choisi d'être français, qui ont partagé bien autre chose que le fait de travailler, de toucher un salaire, etc., et qui ont partagé une vraie idée de la France, pas seulement l'antifascisme, la résistance, mais une vraie idée de la France qui est incarnée par les gouvernements de la libération, par le programme du CNR, etc. Et le moment où ceci se dégrade totalement, où les communistes eux-mêmes vont se mettre à parler aux travailleurs immigrés comme des gens qui sont ailleurs, qui sont là provisoirement, qui sont et à qui on ne propose plus. C'est-à-dire qu'on leur propose un tricolore qui les repousse au lieu d'un tricolore qui les intègre. Voilà. Je ne vois pas comment tout ceci pourrait conduire à un tricolore qui repousse au lieu d'être dans sa fonction. C'est-à-dire que quand Le Pen dit « liberté, égalité, fraternité », on pourrait aussi chanter « tiens, voilà du boulin », autant la culpabilisation, traiter le colonialisme en termes de culpabilisation nationale, est une idiotie. Une idiotie, pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une réalité à un moment des rapports de force. Mais dans ces rapports de force mondiaux, il y a Jaurès qui avertit et qui dit si la nation victorieuse traite de cette manière-là les nations vaincues, le retour sera terrible. Et le retour se fait maintenant. C'est pas la décolonisation, c'est la mondialisation, le retour. Et ce retour, il est terrifiant. Et donc c'est comment on l'aborde maintenant, comment on l'aborde à partir de la nation, à partir des alliés de la nation, en construisant autour d'elle, ce qu'on a magnifiquement raté dans les dernières années. Ce qu'on a raté parce qu'on avait prévu, alors on y reviendra, on avait prévu une Europe avec un mur à Berlin, quand on a signé les accords de Maastricht, toute la préparation de ces accords ne tiennent pas compte de ce qui s'effondre à l'autre côté de l'Europe, et donc évidemment on se retrouve dans un énorme truc qui est une usine à gaz que personne ne sait plus gérer. Ça c'est une dimension terrible, parce que la nation étant serrée dans un ensemble européen nécessaire, devenu ingérable, et à quoi on peut intégrer les gens qui arrivent sur le sol ? C'est-à-dire à une nation qui ne maîtrise plus tout, qui est dépendante de l'extérieur, sans qu'on ait construit la réponse. Alors, dire, se replier là-dedans sur un petit bloc dans la société, dire on va défendre celui-là en disant c'est la France, quelque part, il y a une escroquerie totale devant l'histoire. 16 minutes écoulées pour Guy et 10 pour Alain. Je crois qu'on est d'accord sur pas mal de choses. C'est vrai que quand on me dit comment vous avez pu être au PC qui était internationaliste, d'abord c'était le PCF. Et justement, on parlait de... Le Parti communiste français avait réussi quand même ce miracle, c'est d'être internationaliste, c'est-à-dire solidarité des ouvriers de chaque nation, hein, pour essayer de lutter contre leurs patronats respectifs, mais ce n'était pas l'abolition des nations. Et ça d'ailleurs, Gluckstein, trotskiste dissident du PT, le dit très bien. Il dit, il y a un internationalisme qui veut être la solidarité des nations, pour, dans un but de nation pacifique les unes entre elles. Et puis il y a un internationalisme très idéologique de dissolution de toutes les identités, qui celui-là a beaucoup plus à voir avec le libéralisme pour moi, parce que le libéralisme est par essence dissout les cultures, hein, puisqu'il réduit tout aux consommateurs. Et ce que je remarque moi, ça fait 2 années que je vais à la fête du BBR. Et ça fait aussi 2 années que je n'ai plus la fête de l'UMA. C'est difficile d'aller aux deux, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que moi, mon rêve, c'est de pouvoir aller aux deux. Et je retrouve un peu le même peuple de France au BBR que je rencontrais à la fête de l'UMA avant. Hein, c'est-à-dire des gens du travail adultes qui sont dans le principe de réalité. Et les stands du BBR, comme les stands du PSF, c'est quoi? C'est des stands avec marqué Franche-Comté, Auvergne, Savoie. Hein, on voit toujours cette France des régions, et ça existait totalement. Et malheureusement, c'est vrai que le PC a un peu tourné le dos pour se trotskiser, se LCRiser. D'ailleurs, moi j'ai vu, la dernière fois que je suis allé à signer mes bouquins à la fête de l'UMA, il y avait un stand de la LCR, et pour moi c'était un scandale. Je veux dire, c'était pour moi une trahison, une horreur d'aller, non même pas laisser ces gens-là entrer, mais avoir se pavaner. En fait, ils jouissaient de leur victoire. C'est-à-dire qu'ils ont, la LCR a vaincu le PCF sur le plan idéologique, c'est clair. Hein. C'est une tragédie qui est définitive, le PC est en train de disparaître, c'est une loi de l'histoire, il mérite de disparaître, il n'a pas su muter, il ne représente plus rien. Et moi, ce que je remarque, qui est un truc très concret, c'est que le petit peuple qui très sain de France, ces gens qui assument le principe de réalité qui était avant à la fête de l'UMA, je les retrouve au BBR, et moi, mon travail et mon espoir, c'est que le Front National réponde aux attentes de ces électeurs, je dis encore, de ces gens que j'ai croisés au BBR. Et mon engagement est aussi un peu là pour essayer de faire en sorte que cette ligne de gauche qui a insufflé Marine, mais qui a aussi insufflé Jean-Marie Le Pen, soit bien celle qui soit défendue, et non pas une ligne d'union des droites qui amènerait un destin à l'italienne, où quelqu'un jouerait le rôle de Fini pour aller faire le tapin pour une droite libérale, qui en fait est tellement libérale économiquement qu'elle donne le change par un nationalisme agressif et anti-immigré sur le plan de la communication, ou là dans une stratégie effectivement du bouc émissaire, qui moralement je trouve dégueulasse, et c'est pas du tout cette ligne-là, il me semble, qui est celle actuellement suivie par le Front National, même si ça l'a pu l'être dans le passé. Moi je dis toujours, j'aurais pas rallié le Front National en 73, j'aurais sûrement pas rallié en 80, mais aujourd'hui je m'en sens beaucoup plus proche parce que ce mouvement a bougé, et d'ailleurs il a bougé en sens inverse du PC. Le PC est devenu de plus en plus sociétal, s'est droitisé et de moins en moins sérieux. Et quand je lis le programme économique du Front aujourd'hui, je le trouve de plus en plus économiquement sérieux, alors que l'économie était la catégorie méprisée historiquement par ce qu'on appelle l'extrême droite, qui pour moi la droite nationale, parce que par principe ces gens-là doivent mépriser l'économie puisque c'est la catégorie historique et qui les a vaincus. Hein. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a du sérieux économique au Front National, le peuple qui est présent comme électorat, et il y a des conditions réunies pour en faire un grand mouvement, je dirais, de gauche nationale. Et aujourd'hui, il me semble que pour être de gauche, compte tenu des lois du libéralisme mondialisé, il faut être un peu national, mais pas nationaliste rétro. Il faut être, comme dit Martinez, alternationaliste. Et moi, je me sens de cet alternationalisme, une espèce d'axe Chavez, Le Pen, Poutine. C'est ça mon espoir, hein, clairement. Alors, sur être national. Alors, par exemple, moi, je pense que le début de la dégradation du PC, c'est quand ce moment de la fête de l'UMA devient la France des régions. Donc ça se passe dans les années 70. Alors, jusque-là, les allées portent les noms des héros du mouvement ouvrier. Alors bon, on l'a perdu en route. Donc, regardons, d'avoir les avenues Staline, l'avenue Staline a disparu, l'avenue Lénine, etc. Et à un moment, les années 70, ils ne savent plus où ils sont. Et donc, ne pouvant pas réhabiliter, remettre André Marty, Charles Tillon, etc., à les victimes françaises du stalinisme, ne sachant plus où mettre Lénine, ils vont tout enlever et mettre la Franche-Comté, le Berry, Bon. Et à ce moment-là, on est dans une France girondine, on n'est plus dans cette incarnation jacobine de la République qui était le Parti communiste français, c'est ce qui va disparaître. Et alors du coup, notre travailleur étranger qui veut s'intègre à quoi? Et moi, c'est pas vrai qu'on s'intègre à ce discours régional. Parce que ce discours régional, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas s'intégrer en région, hein, mais ce discours régional, il est forcément excluant. C'est-à-dire que on peut adhérer à à une France qui non pas commence le 14 juillet 1789, parce que ça, ce serait une idiotie historique de dire que la France commence le 14 juillet 1789, mais à une France qui fait le 14 juillet 1789, qui fait la Déclaration des droits de l'homme, qui fait le mouvement. Et dans cette France en mouvement, on rentre. Dans cette France renvoyée à ses racines régionales, on ne rentre pas. On ne rentre pas. Je peux aimer le produit de la région, bien évidemment, dans ce que nous avons aimé de la France, en y venant, il y a ce qu'elle produit, il y a son art de vivre, à tout ça on peut adhérer, lui reconnaître ses racines bretonnes, provençales ou occitanes, mais on n'y entre pas dans ses racines. Et voilà le moment où se passe la cassure. Alors, après, encore une fois, sur quelle perspective, non pas on défend le bloc productif, quelle perspective on se donne face à la mondialisation nationale? Ok, national, pas nationaliste. Moi je préfère le mot patriote, parce que c'est le mot de la Révolution française, la ligne de démarcation fixée. Pas seulement par les Jacobins d'ailleurs à ce moment-là, parce que c'est au début de Jacobins, Girondins, au début des levées en masse, fixe la ligne entre les patriotes et les autres. Voilà. En prenant patriote dans ce sens-là, qui va être celui d'ailleurs du Front Populaire et de la Résistance, celui que pendant des années les communistes vont employer, je me reconnais évidemment là-dedans. En sachant que ça ne suffit pas, parce que justement, il y avait cette articulation patriotique internationaliste. Malheureusement, elle a perdu son sens à partir de la guerre froide. Elle a perdu son sens à partir de la guerre froide, où on va rentrer dans la dégradation définitive d'un camp socialiste élargi qui ne construit plus une société sans classe, mais qui assure uniquement la défense des intérêts d'État stricts d'une Union soviétique bureaucratisée, et cet internationalisme devient un leurre total, dans lequel d'ailleurs, quand on regarde les différents moments où il faut l'exprimer, parce que la France est directement concernée, les communistes français pataugent, ils pataugent au début de la guerre d'Algérie, ils pataugent au début de la guerre américaine au Vietnam, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont beaucoup de mal à savoir où ils sont tout en ayant un grand cœur internationaliste, parce que ça devient extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que ceux, ils savent très bien qu'il y a une stratégie soviétique derrière, qu'il y a des guerres qui sont déclenchées d'une manière qui n'est pas conforme ni aux intérêts de la classe ouvrière française, ni même aux intérêts des peuples qu'on agite, mais à ceux de l'URSS. Donc il y a un problème. Cet internationalisme cassé, pour moi, le grand espoir brisé, il se passe en 1989, disant, voilà le moment où on va le reconstruire. Voilà le moment où on va le reconstruire, où les peuples se retrouvent, où les nations se retrouvent de l'Europe. C'est ça qui est raté. C'est ça qui est raté. Et moi, je dirais, trois niveaux, oui, le monde, la nation, l'Europe. Et c'est un chantier formidable, c'est un combat formidable qui devrait être vraiment le combat des générations nouvelles, même si je ne me considère pas à l'âge de la retraite. Il n'y a pas de retraite politique, ni intellectuelle, sauf... maladie malheureusement répandue à un certain âge, mais il y a un grand chantier là, je ne vois pas où le Front National répond à ça. Alors, maintenant, je vais dire en même temps, aucune force politique aujourd'hui ne répond vraiment à ça. La question, c'est comment les intellectuels que nous essayons d'être peuvent construire. Il faut oser, je veux dire, et là, je fais un retour encore plus osé à Marx, il est seul, avec Engels, quelques amis, Heinrich Heine, qui est un poète, quelques autres, et puis, eh ben, ils vont essayer de construire une organisation, ils n'y arriveront pas, une pensée, ils y arriveront. Et celle-là sera productive pendant 100 ans. On peut essayer encore, ça. Hein. 23 minutes écoulées pour Guy Konopnicki et 14 pour Alain Soral. Eh ben là, on est sur le vrai hiatus, c'est-à-dire que sur l'abstraction jacobine. Moi, c'est vrai que je suis un jacobin par provocation, mais la déclaration des droits de l'homme était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle était quand même très encadrée par une appartenance à une communauté française, et on est passé, on le sait, en 45, sous la poussée des Cassin, Monet et Schuman, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui elle devient carrément une totale abstraction. Et là, on voit bien qu'il y a une dialectique de l'histoire qui nous dépasse un peu. C'est-à-dire qu'on s'est totalement éloigné de l'enracinement, qu'on a méprisé, qu'on a considéré qu'il n'était pas dans le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, à cause de la violence libérale, à cause de la destruction même par la production de tout ce qui a à voir avec les cultures enracinées, on voit même dans le mobilier, dans les objets usuels, dans l'architecture internationale, à un moment donné, on a eu une perte d'échelle humaine, une perte de, comment dirais-je, de culture qui génère de l'angoisse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, anthropologiquement, on est obligé de tenir compte de ça, sans penser que c'est de l'aliénation ou de la nostalgie. Et là, c'est presque à un moment donné, il faut faire un choix. Et moi, je me dis, le retour aux régions du PC, à un moment donné, est peut-être là pour combler un vide, mais aussi parce qu'on était allé, on s'était beaucoup éloigné de ces enracinements régionaux, et à un moment donné, on sait bien que l'URSS est le premier parti qui ne mentionne aucun lien géographique et historique dans son intitulé, Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Ça peut être n'importe où sur Terre. Hein. Et puis finalement, derrière, Staline en fait quoi ? La nouvelle nation russe, et même si c'est un géorgien, la nouvelle domination des Slaves sur le reste... de ceux qui étaient déjà dominés par le tsar d'avant, quoi. Et en fait, est-ce qu'on a réellement jamais dépassé, est-ce que l'abstraction n'a jamais été un mensonge? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette épopée très universaliste abstraite, parce que c'est ça, on est dans l'universalisme abstrait, peut être souvent un mensonge et une manipulation, en tout cas quelque chose qui est très loin de l'homme anthropologique, et il y a un retour du refoulé. Et aujourd'hui, je crois qu'on est réellement dans un retour du refoulé de choses qui ont été balayées du revers de la main, comme l'enracinement, parce que souvent traitées par des penseurs de droite, c'est vrai, et sous prétexte que ça avait été bien pensé par par Maurras, par Barrès, c'était considéré comme réactionnaire, et sous prétexte qu'en 1945, le Comintern a créé l'antifascisme, qui voulait dire d'ailleurs antinationalisme, qui était un moyen quand même de faire taire ses adversaires à peu de prix en se référant toujours à l'hitlérisme, on a géré avec ça un monde assez fictif, qui en plus a été après, on s'en est rendu compte, un monde très mensonger, parce que finalement l'URSS n'avait pas grand chose à voir avec son intitulé à la fin, et on a aujourd'hui les effets de ce mensonge et le retour du refoulé d'avoir longtemps négligé des phénomènes auxquels il faut penser comme effectivement l'enracinement, la culture, la tradition. Et c'est vrai que le Front National est naturellement là-dessus et se retrouve, comme souvent quand on a deux coups de retard, dialectiquement on se retrouve avec un coup d'avance, se retrouve bien positionné. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour raison de hasard historique et de sens de l'histoire, aujourd'hui, le Front National mutant, et comme je l'apprécie, comme je le ressens et comme j'essaye de l'aider à accoucher de lui-même, se retrouve dans le sens de l'histoire. Et il y a une ironie hegelienne de tout ça. Et moi, comme je n'ai pas de problème, je ne vois pas le... Je vois d'ailleurs ce qu'on reproche à Le Pen aujourd'hui, c'est des phrases qu'il a sorties il y a 20 ans. Ce qu'il aurait fait pendant la guerre s'il avait eu l'âge, parce qu'on lui reproche un passé qu'il n'a même pas eu. Parfois, il y a beaucoup de fantasmes dans tout ça. Alors qu'on découvre aujourd'hui que finalement, il voulait s'engager chez les FFI à 16 ans et qu'on lui a fermé la porte. Et après, on fait de la psychanalyse, il en a toujours voulu au mec. Mais ça veut dire qu'à 16 ans, il avait envie de se battre du côté des Français et des bons, quoi. Je veux dire, et plus la diabolisation, qui est quand même un vrai truc à partir de 85 quand il monte. On le laisse monter pour des raisons électoralistes, pour favoriser la gauche et ça, c'est assez. Mais en même temps, on le diabolise à mort parce que sinon, on ne le contrôle plus. Et je trouve qu'il y a une succession d'injustices, de mensonges et de mépris, exactement comme le marxisme aujourd'hui est victime de son incroyable mépris, de son incroyable arrogance, de gens qui ont tenu le haut du pavé théorique pendant longtemps et qui effectivement tenaient le haut du pavé et qui méprisaient absolument les autres. Donc le jour où le marxisme a décliné un peu, tout le monde s'est vengé de l'ancien champion vieillissant, quoi, je veux dire. Et on est aujourd'hui là-dedans. Moi, ce que je déplore, parce que moi, j'estime qu'on peut garder l'outil marxiste qui est très performant, et moi, j'ai vendu personnellement à Le Pen la pertinence de l'outil marxiste comme outil sociologique, outil économique, et je suis content de voir qu'un nationaliste, qui n'est pas un nationaliste haineux, belliqueux, mais un nationaliste, je dirais, à la française, parce que la nation française est une nation de gauche. C'est pas comme la nation allemande. Historiquement, c'est une nation de gauche. C'est une idée, la citoyenneté, beaucoup plus qu'une race, qu'un sang, etc. Je suis content de voir que Le Pen intègre ses idées, qu'il n'a jamais été aussi jeune, et je dirais, et qui vieillit plutôt à gauche, et moi j'accompagne ce mouvement parce qu'il est dans le sens de l'histoire et qu'il mûrit bien, mais je suis un peu compagnon de route, je suis vigilant, et effectivement je ne prends pas tout là-dedans. Mais je trouve que aujourd'hui le Front National est réellement au cœur de la problématique politique, d'ailleurs on le voit bien, tout le monde drague le Front National, c'est-à-dire ce qui est dégueulasse c'est qu'on insulte Le Pen en lui repiquant tout son matériel, et Ségolène, et Bayrou, et Sarkozy, repiquent que des trucs de Le Pen. Donc je trouve qu'il faut lui faire justice, n'y a plus de raison de l'insulter, de le diaboliser si ses idées étaient bonnes. Il ne mérite pas d'être méprisé parce qu'il finalement il n'a jamais rien fait de grave et de mal dans sa vie, sinon des mauvais jeux de mots, ce qui est quand même pas grand chose. Il n'a jamais tué personne, il n'a pas de sang sur les mains. Bon, il a fait une guerre, mais il a fait une guerre de patriote à une époque où il s'est battu finalement. Bon, vous serez d'accord avec moi que sa vision de l'Algérie française, il est moins raciste que de Gaulle, on pourrait en parler. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc, il y a toutes ces raisons-là pour regarder le Front National avec des yeux de sympathie et en se disant que ce mouvement a quelque chose à faire pour sauver la France, les Français et les gens qui vivent sur ce territoire demain. C'est pour ça que moi je suis dans l'idée de réconciliation nationale grâce au Front National. 20 minutes écoulées pour Alain Soral, toujours 23 d'écoulées pour Guy. Alors, bon, d'abord sur cette question de l'enracinement dans le sol, thème de droite effectivement, et terme passéiste parce que il est toujours en train de renvoyer à ce qui était en train de disparaître, à savoir un monde rural, un monde agricole. Bon, nous sommes dans un monde urbain, nous sommes dans une France urbaine où se mélangent en permanence et depuis des siècles des populations venues d'un peu partout, dont les causes de déracinement ont été multiples, parfois les mêmes. C'est-à-dire que on sait bien que quand il y a une immigration allemande massive aux États-Unis au XIXe siècle, c'est parce qu'il y a une catastrophe agricole, qu'il y a des paysans ruinés, qu'il y a la domination prussienne qui ruine de petits États, et donc les gens partent, etc. Quand il y a la famine en Irlande, on retrouve les mêmes phénomènes. Bon, aujourd'hui, nous avons les phénomènes de ce type en Afrique. Bien. Par exemple, où il y a des régions entières ruinées, soit par la guerre civile, soit par les progrès de l'islamisme, ce qui est le cas au Soudan par exemple, soit par la spéculation sur les matières premières, soit par un tas de choses, ils arrivent. Et ils arrivent. Est-ce qu'on répond avec nous, l'enracinement et la nation, ou est-ce qu'on répond, et la nation fixe, même en y admettant les générations récentes, celles d'avant les flux actuels, ou est-ce qu'on répond en cherchant autre chose? Et c'est toujours cette question. Alors, évidemment, c'est toujours facile de dire, moi je suis compagnon de route de machin, je ne suis plus compagnon de route de personne, sinon que je veux toujours me situer à gauche, me situer dans le combat, dans la polémique, et en même temps, j'essaye de me situer dans la réflexion, et de voir... Qu'est-ce qu'on peut reconstruire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut reconstruire aujourd'hui qui ne soit pas cette démagogie gauchiste, qui ne soit pas cette résignation, en gros, d'une gauche qui n'est même plus social-démocrate, ou du PC mort de sa belle mort, pas de sa belle mort, d'ailleurs il aurait pu mourir autrement, plus dignement, en se transformant en autre chose qu'il n'a pas voulu faire. Peut-être qu'on n'aurait pas été d'accord d'ailleurs sur ce en quoi il fallait le transformer, mais il devait se transformer sur ce vieux principe de... Voilà. Et alors, je ne vois pas en quoi, par exemple, le programme économique du Front National, qui est pour l'essentiel un programme libéral, quand on dit on va payer l'impôt depuis le plus petit salaire, bon après tout pourquoi pas, et on va mettre un plafond et personne n'aura plus de 20% de fiscalisation, ça c'est une prime extraordinaire aux riches, ça veut dire qu'on fait payer les pauvres, ça veut dire qu'on joue contre les travailleurs, ça veut dire qu'on joue contre les salariés pauvres, tout en appelant aux salariés pauvres, puisqu'ils vont payer une TVA plus élevée pour compenser la perte fiscale, c'est dans le programme, hein, c'est Martinez. Et ils vont payer aussi les taxes, puisqu'on dit, on va les protéger en taxant les importations, ben, sauf qu'ils vont quand même acheter un certain nombre de produits surtaxés parce qu'importés. Donc ça n'est évidemment pas un programme qui permet de répondre, d'abord parce qu'il est totalement... avant même toute position dite de diabolisation, il est totalement dans le bouclier, dans la fermeture, dans la frilosité, pas dans l'offensive économique. Il ne réhabilite aucune classe sociale. Simplement, il essaye de faire une petite bulle dans la mondialisation qui sera au détriment peut-être de certains capitalistes, mais au profit d'autres, et pas forcément les plus audacieux, et pas forcément les plus intéressants. Au contraire, là, on est au cœur des choses. On dit comment on reconstruit? Alors il n'y a pas que l'extrême droite qui a refusé l'économie, c'est tout notre problème. C'est-à-dire que il n'y a plus, dans ce qui était la terre d'excellence des penseurs de gauche depuis Karl Marx, il n'y a plus de pensée économique. C'est-à-dire que, en réfléchissant bien à un moment de ma jeunesse, qu'a été la lecture du Capital ? Par Althusser. Le jour où il veut retourner... Et, attention, la lecture économiste est une lecture réactionnaire, camarade. Ce n'est plus qu'une œuvre de philosophie. Lisons-le dans la philosophie. Alors, à la fois, il nous faisait redécouvrir magnifiquement ce qu'était cette philosophie, mais du coup, ça tombait bien, pour certains, puisqu'au moment où ça devenait indéchiffrable, où il fallait reconstruire une pensée à partir du Capital, dans la modernité, où les classes sociales ne sont plus les mêmes, où les phénomènes mondiaux ne sont plus les mêmes, où même la mondialisation annoncée dans le Capital n'est pas la même, n'est pas celle qu'on attend, eh bien, on se trouve sans une véritable pensée économique. Vous avez quelques gadgets d'extrême-gauche, et puis une espèce de pensée molle sociale-libérale qui n'est pas une vraie pensée. Et puis, je saute Bérou-Sarko, parce que ça, c'est le statu quo. C'est deux versions du statu quo. Moins de 3 minutes. Et on arrive à quoi ? À un espèce de truc qui va nous dire on va faire un libéralisme sous protectionnisme. Mais où le peuple va-t-il se trouver là-dedans ? 10 minutes. Ben, alors là, ben, je vais reprendre. Bon, déjà, on est d'accord sur... Il y a pratiquement aucun parti aujourd'hui n'a un programme politique, sinon l'alignement plus ou moins non dit sur la mondialisation libérale, c'est-à-dire FMI, OMC, Banque mondiale. Et le Front National est justement le seul qui essaie d'avoir un programme politique, je dirais réaliste et à peu près raisonnable, effectivement, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur le dynamisme des classes moyennes, parce qu'ils sont créateurs d'emplois. Sur l'impôt, il y a deux choses. Déjà, le programme finalement du Front National aujourd'hui est un peu le programme qui correspond à la vision de l'économie mixte gaullienne des années 60, avec plan et PME, et je crois que c'est le plus réaliste aujourd'hui, même s'il n'est pas très spectaculaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, le programme du Front est à la fois un peu libéral, mais en même temps très anti-ultralibéral, car je crois que là, il faut bien maîtriser les catégories de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ultralibéral est le pire ennemi d'un libéral. Un ultralibéral, c'est un homme du capitalisme financier qui empêche le libéralisme, c'est-à-dire l'entreprise. L'entreprise, la PME, la PMI. Et de ce point de vue-là, je crois que le programme du Front est cohérent et réaliste, qui s'appuie sur le dynamisme des classes moyennes et de l'entrepreneur. Parce que là, c'est le côté de droite, c'est que l'homme doit être capable de s'enrichir par son travail et d'entreprendre. Donc on est contre une économie étatique. Et là, je ne peux pas jeter la pierre, parce que ça n'a pas très bien marché, l'étatisme intégral, on le sait, on est obligé d'en tenir compte. Et en revanche, on est très proche d'une économie de type gaullienne, c'est-à-dire où une certaine liberté laissée aux entrepreneurs est encadrée par des grands commis de l'État qui ont une vision, elle, que ne peut pas avoir l'économie, le compte d'exploitation qui est annuel, parce qu'il faut aucune économie capitaliste me paraît même avoir une vision à 15 ou 20 ans. Et cette économie mixte, qui ne me paraît pas très révolutionnaire, est assez raisonnable et me paraît être le seul programme économique sérieux, cohérent et celui qu'il faut faire en ce moment. Donc je dis moi pour moi, et j'en ai parlé avec des économistes qui évidemment off the record me disent je dois admettre que si je compare les programmes économiques des grands partis qui concourent, celui du Front National est peut-être le plus cohérent et le plus performant. Je l'ai entendu plusieurs fois. Hein. Voilà. Sur les impôts aussi, il y a beaucoup de réflexes pavloviens. L'impôt sur le revenu du travail n'est pas, sous prétexte qu'il serait progressif, n'est pas spécialement un impôt de gauche. D'abord parce que les vrais riches ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ils ont moyen d'y échapper. Donc c'est un impôt qui pénalise essentiellement les couches moyennes salariées et les patrons de PME qui n'ont pas les moyens de faire des gros montages transnationaux pour échapper à l'impôt. Et donc en fait, cet impôt faussement de gauche, qui est très d'ailleurs gauche PS, c'est de désigner au RNiste ou à celui qui est sous la barre de l'impôt parce qu'il est au plancher social, de désigner comme riche celui qui gagne 4 000 euros par mois. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs François Hollande. En réalité, ce mec-là n'est pas riche. Il est celui qui paye la protection sociale de tous les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les classes moyennes et les couches moyennes salariées, dans une courbe de Gauss, supportent tout le poids de la solidarité sociale française, parce que les pauvres en bénéficient et n'ont pas les moyens de participer, et les riches y échappent par les montages. Et le problème aujourd'hui, effectivement, situation mondialisée, c'est que quand on dit on va monter ou pas baisser les tranches d'imposition des grandes sociétés, je crois que la réalité, par les montages des sociétés qui ont les moyens de faire des montages transnationales et d'avoir les cabinets d'avocats qu'il faut, en réalité, quand on fait un calcul, ils payent en moyenne 9%. Donc on peut leur dire qu'on leur prend 50 ou 30, ils payent ce qu'ils veulent, puisqu'ils se démerdent. Et donc ceux qui leur prennent plein la gueule, c'est les PME, les PMI, les artisans et commerçants qui n'ont pas les moyens d'y échapper. Donc là, il y a une petite erreur, je dirais, en termes de gauche, et qui peut être une saloperie pour ceux qui en sont complices, c'est qu'en fait, ce projet économique de gauche qui dit que supprimer l'impôt sur le revenu serait de droite, c'est surtout pour continuer à désigner comme le riche celui qui est le plus durement soumis à l'impôt, qui sont les couches moyennes et les classes moyennes. Et c'est ces gens-là qui, quand on les empêche de produire et d'ailleurs de consommer, bloquent la machine économique et la possibilité d'une meilleure redistribution. Et ça, c'est quelque part, c'est malthusien. C'est faussement moral et profondément malthusien. Et c'est là où je dis le programme économique du Front est assez cohérent, assez de gauche, même s'il n'est pas très spectaculaire. Mais personne ne peut aujourd'hui avoir une vision économique spectaculaire. On n'est plus dans les visions d'économie prophétique, magique. Mais par contre, je le crois beaucoup moins dégueulasse sur le plan de la démagogie et sur le plan de la morale de gauche que le programme économique du PS, qui est un faux, qui consiste à désigner, je le redis encore, aux RMistes, le mec qui gagne 5000 euros par mois comme un riche. Alors qu'en réalité, c'est lui qui paye son RMI et il n'est pas riche et il en chie et ses gosses sont encore plus pauvres que lui. Il n'arrive même plus à accéder à la propriété individuelle. On sait combien coûte un appartement aujourd'hui à Paris pour loger 4 gosses. Et là, je dis que moi, je suis comme je dis que le projet économique du Front National est humblement de gauche, ce qui est déjà pas mal, alors que les autres sont soit vraiment de droite, soit faussement de gauche. Voilà. Donc c'est le moins pire de tous, même s'il n'est pas génial, car je crois que personne aujourd'hui ne peut être génial en matière d'économie. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Reste 5 minutes pour Alain Soral et 2 minutes à peine pour Guy Konopnicki. Ça va être court. On va peut-être faire une recave. Hein ? Moi, j'accepte. Recave de combien, vous voulez ? 15 ? 15, allons-y. Bah oui, alors, donnez-moi ça. Hein? Donnez-moi ça. Alors, 15, moi, je garde mon développer parce que mon crédit. Alors 15, donc ça fait. Alors ça fait 20. Ça fait 20 pour Alain. Je suis en dessous, mais alors j'ai déjà 20 pour Alain. Je vais essayer de ne pas revenir sur les mêmes choses. Vas-y. On n'est pas très très loin finalement. Ouais, je suis un peu étonné. On n'est pas si. Enfin, à part la carte, l'étiquette. Si, lui, il est sur évidemment sur l'idée que plus sur l'enracinement, mais on pourrait l'expliquer pour des raisons d'origine de nos idiosyncrasies respectives. Hein. Quand vous voulez reprendre, Alain, tu appuies et il reste 17 minutes donc et 20. Mais c'est à lui de commencer, c'est. Ouais, mais c'est toi qui appuie pour que le temps passe là. Voilà. Donc je reprends la fin de mon argument. Le programme économique le plus sérieux des partis en présence. Et le plus humblement et modestement de gauche, mais authentiquement de gauche, c'est-à-dire moins de droite que les autres, c'est certain, compte tenu du contexte et du sérieux, c'est quand même celui aujourd'hui du Front National. Et pas mal d'économistes en privé, de gens sérieux qui maîtrisent bien ce sujet, l'admettent. D'ailleurs, souvent à leur corps défendant. Alors, même habillé un peu plus élégamment par Martinez, le Front National n'est jamais sorti, ne sortira jamais d'ailleurs de ce qui est la naissance politique, une des naissances politiques de Le Pen, qui était le boujadisme. Alors, en justement de la PME, on peut raconter des tas de trucs sur la PME. D'ailleurs, tout le monde joue très démagogiquement de la PME. Bien sûr qu'elle est essentielle dans l'économie. Mais il est tout à fait inexact de dire qu'elle est tout. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a la crise d'Airbus, Le Pen dit « Ah, je l'avais bien dit, que notre économie, elle doit fonctionner sur les PME. » Oui, enfin, sauf que quand il s'agit de concurrencer Boeing, qui est quand même, si une des réussites, eh ben oui, c'est Airbus. C'est Airbus, ça pète pour des raisons financières, pour des raisons de désengagement des groupes privés. La garder en tête, l'Airbus. C'est à ça qu'il faut s'attaquer. Faire avec des partenaires européens, les Anglais, les Allemands, très bien. Où on peut contraindre les groupes financiers, ou c'est l'État. Ce qui est formidable dans ce libéralisme du Front National, c'est cette horreur de ce qui est national. Je veux dire que dans National, en France, il y a nationalisation, il y a service public. Et alors, je peine à absolument horreur de tout ça, c'est-à-dire que là-dessus il a une vieille pensée de droite, même s'il l'a modifié un peu, mais essentiellement dans le discours. Or, s'il y a quelque chose, l'étatisme soviétique, catastrophe absolue, c'est évident. La nationalisation à la française, mais c'est des réussites formidables. Je veux dire que si le TGV peut rouler, battre un record sur des rails, c'est les rails de la SNCF, entreprise nationale, ça c'est vraiment l'œuvre pour le coup de la France de 1945, service public performant, SNCF, EDF, etc. Les points d'appui. Les points d'appui, c'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Et ça, il y a des abandons à partir de 86 où on privatise, parce qu'il est exact qu'on a trop nationalisé, que l'utopie de la nationalisation du crédit, qui est une utopie du programme commun accepté et mis en pratique par Mitterrand, a très très mal fonctionné. Et du coup, on s'est privé de tous les outils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'outil national du crédit aujourd'hui, parce qu'on a tout privatisé, y compris ce qui était nationalisé de 45, c'est-à-dire les cinq grandes banques nationalisées de 45. Si on ne retrouve pas une maîtrise nationale et ou européenne d'instruments de développement qui sont tout à la fois les structures lourdes de production d'énergie, de transport et les structures de crédit. Et quatrièmement, de véritables services publics, dans lequel, nouvelle dimension totalement essentielle, qui est la dimension de l'écologie, etc. Si ce n'est pas ça l'appui, si ce n'est pas ça le socle, alors pour le coup, comment il serait parti entre instruments français et instruments communautaires, négociés sur le plan européen, pas forcément à 27. La preuve par Airbus, on peut faire des choses à 3, 4, à 5, on nous a bassinés avec pas d'Europe à 2 vitesses, mais il faut une Europe à 5, à 6, à 14 vitesses, à 27 vitesses. Parce que il y a des choses qu'on peut faire avec les Finlandais, et qu'on ne peut pas faire avec les Italiens, il y a des choses qu'on peut faire avec les Allemands, et qu'on ne pourra pas faire avec les Tchèques, ainsi de suite. Et pour le coup, dans le sens national, il y a des liens historiques. Des liens tchèques, des liens serbes, tiens, oui. Des endroits où il y a un écho de la France. Un écho de la France. Je ne veux pas dire qu'il faut valider un nationalisme violent à un endroit parce que la France a été son allié autrefois, ce qui avait provoqué la guerre de 14. Mais bon, mais il y a, d'une manière sidérante, l'absence d'audace de toute une classe politique. Ce qui me fait très très peur, c'est que j'avoue avoir quitté un parti quand il avait quitté son audace révolutionnaire, qui à mon sens devait s'incarner à ce moment-là dans une ligne démocratique et réformiste, mais qui était une ligne d'audace révolutionnaire. Et donc, eh ben oui, c'était. On se retournait, on constatait que c'était un des éléments du déclin du communisme mondial. Se pose la question, justement dans ce monde d'audace, du déclin de la France. J'accuse le Front National. Pas le temps de développer sur le passé, j'en sais plus que vous là-dessus, sur qui est qui et qui vient d'où. Mais parlons d'aujourd'hui. D'être un autre élément de ce déclin. D'être un autre élément de ce déclin. Parce que justement, ce dont il a absolument horreur, Le Pen et le mouvement en général, le parti en général, c'est justement. Les instruments de l'audace, qu'ils soient économiques ou politiques. Reste 11 minutes pour Guy et 20 pour Alain. Bah là, je vais être tout à fait d'accord sur la première partie. C'est-à-dire que là, d'ailleurs, on a parlé d'une économie où l'État prend conscience qu'il y a des secteurs qui doivent lui être absolument dévolus, comme l'énergie, l'indépendance, etc., qu'il faut qu'il y ait une coopération des nations, que d'ailleurs, on a pris l'exemple d'Airbus qui a marché jusqu'à ce que les États contrôlent. Là, si ça marche plus, c'est parce que des investisseurs privés ont trouvé que d'un seul coup, les taux de profit baissaient légèrement et se sont retirés unilatéralement de manière brutale en demandant à l'État de reprendre leur place quand le taux de profit n'est plus suffisant, c'est-à-dire que c'est au contribuable après de prendre la place pour assumer. Non, quand les bénéfices baissent, c'est-à-dire, donc on voit très bien la malhonnêteté totale du libéralisme, quoi. C'est de dire, quand ça rapporte, c'est pour nous, quand ça coûte un peu, l'État peut revenir, quoi. Hein, c'est un peu ça, donc c'est profondément dégueulasse. Et je crois là que, bon, il y a un peu de procès d'intention. Je crois qu'aujourd'hui, les gens qui s'occupent d'économie au Front National, et même Jean-Marie Le Pen, qui c'est vrai, a un côté réactionnaire à ce niveau-là, pour des raisons de, à la fois de culture et de manque de culture, parce que c'est un sujet qui n'intéresse pas beaucoup, et il a des réactions qui sont un peu populistes et qui sont, à mon avis, pas mal saines, parce qu'elles partent d'un bon sentiment. Je crois qu'aujourd'hui, si le Front National gagnait les élections et qu'il tient ses promesses, on serait vers une politique néo-gaulienne de coopération des grands États européens avec une vision, dans une idée d'Europe puissance, d'Europe sociale, parce que de toute façon, je pense qu'on va se casser la gueule si on ne fait pas, que ce soit d'ailleurs au niveau national, européen, du social et sérieusement du social, sinon c'est la guerre civile généralisée dont parlait Marx qui nous attend à assez court terme. Et moi, je crois que là, on est notre différence, c'est que vous ne croyez pas, quelque part, à la possibilité du Front National que vous voyez encore, parce que comme celui des années 70-80, à réellement aller vers ce type de projet économique où l'État a conscience de ce qu'il sait faire et de ce qu'il doit faire et qu'il ne doit pas déléguer au privé. Moi, je crois que le projet économique du Front National aujourd'hui a compris ça et veut le faire. Et on est réellement dans un projet néo-gaullien, dans un projet européen néo-gaullien, c'est-à-dire l'Europe telle que De Gaulle la voyait. Et finalement, c'est encore une boutade. J'ai dit au début que Marx appellerait à voter Le Pen. Et je dis qu'aujourd'hui, le seul homme politique qui a une dimension gaullienne en France, c'est Le Pen. Et je crois que c'est vrai. Et je ne crois pas du tout qu'il soit nationaliste, rétrograde, réactionnaire pour un espèce de pays qui se referme sur lui-même. Je le crois plus proche profondément des analyses d'Emmanuel Todd, qui est pour un protectionnisme européen. Et moi, je crois que si Todd avait quelque part plus d'indépendance et je dirais plus de fantaisie, il est très très proche des lignes du Front National. J'en suis même étonné. Je pourrais reprendre tout ce que dit Todd en ce moment, le citer et dire ben voilà, c'est en gros la ligne actuelle du Front. Et là, bon, évidemment, vous pouvez me suivre ou ne pas suivre, mais on est un peu dans le procès d'intention. C'est que vous ne croyez pas qu'un certain Front National peut bouger de ses fondamentaux, parce que c'est vrai que c'est un... Quand vous parlez de Poujadis, je veux dire aujourd'hui, être Poujadis, c'est quand même être de gauche. Je veux dire, c'est lutter contre la grande surface. C'est quand même intégralement de droite, à tous les niveaux. Au niveau de l'oppression sur le producteur, au niveau écologique, au niveau urbanistique. Et je crois pas que... Aussi, il y a un mauvais procès qui est fait au Poujadis. Il faudrait quand même faire une analyse sérieuse de Poujade, du Poujadisme. Et puis d'ailleurs, comment a vieilli Poujade? Il a quand même appelé à voter Mitterrand en 80, comme vous le savez. Et finalement, Poujade est au pire aujourd'hui l'ancêtre de José Bové, et c'est pas très gentil pour Poujade. Hein. Que José Bové soit, à sa façon, un descendant de Poujade, ça, personnellement, j'en ai pas de doute. Sur la question de la lutte contre les grandes surfaces, par exemple, le poujadisme a emmené les classes moyennes dans le mur, et elles se sont fait écraser par les grandes surfaces. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait aucune proposition, aucune articulée, qu'il s'opposait précisément, non pas aux grandes surfaces, mais à la logique, en partie, ce qui restait dans la 4ème République de ce que la libération avait impulsé de colbertisme. Il s'opposait totalement à ça, tout ce qui était la modernité de la 4ème République, développée très fortement par la politique de Gaulle, que je considère de Gaulle 45, mais de Gaulle de 58, à une politique progressiste. C'est une des choses dont les communistes se sont armés, d'ailleurs. Ils se sont retrouvés à dire, ah ben oui, là-dessus on est d'accord, là-dessus on est d'accord, là-dessus on est d'accord. Juste un point sur lesquels ils sont allés un peu trop loin, c'est la manière dont on construisait, en termes d'urbanisme, et sur la question du nucléaire civil. Les conséquences n'étaient pas mesurées, et on a été dans un volontarisme qui risque encore de nous coûter assez cher au moment où on ne pourra plus s'en servir et où on n'aura pas de pétrole non plus. Et donc, nous, cette espèce de corporatisme des couches moyennes, et alors, s'agissant du poujadisme, c'était les couches moyennes les plus archaïques, quoi, le petit épicier à l'ancienne et des choses comme ça, totalement inadéquat pour répondre au comment on va retrouver de la croissance, comment on va retrouver de l'emploi, et comment on va sortir de cette mondialisation guerrière. Car nous sommes dans une mondialisation guerrière, dans laquelle il y a des acteurs redoutables, et pas seulement les États-Unis. Et pas seulement les États-Unis. C'est-à-dire, comment on répond à des défis d'aujourd'hui. Par exemple ceci, pour la première fois dans l'histoire, ceux qui sont assis sur la matière première, aujourd'hui déclinante, mais ceux qui ont été assis depuis 50 ans sur la matière première n'ont rien produit. Je veux dire que la France, l'Angleterre et l'Allemagne, assis sur leur bloc de charbon, ont produit le capitalisme industriel, ont révolutionné le monde. Le monde arabe, assis sur le pétrole, n'a su qu'acheter des armes aux Russes ou aux Américains suivant les cas, et investir dans la spéculation financière française, européenne et surtout américaine. Donc c'est quand même des choses absolument extravagantes. C'est-à-dire que ce gâchis pour l'humanité est beaucoup plus grand que celui du capitalisme de la révolution industrielle. Comment on sort de là? En s'appuyant, non pas en combattant les émergences de l'Inde, de la Chine, etc., mais en s'appuyant dessus, en trouvant le mode de relation. Mais c'est un chantier gigantesque auquel les bricolages néo-poujadistes ne peuvent pas répondre un instant. En ajoutant ceci, vous savez très bien que c'est pas pour ça que les gens votent. Les gens votent pour des mots d'ordre démagogiques et confusionnistes, stigmatisant les plus pauvres au profit des classes moyennes, très très moyennes, du bas des classes moyennes. ce qui répond encore moins. 8 minutes qui restent. Et le double pour Alain. Moi, non, mais une fois de plus, je suis pas contre l'analyse. Je pense que la stigmatisation du Front National est un peu... on parle un peu du Front National d'avant-hier et d'hier. Je dis simplement, d'abord, on a parlé... Aujourd'hui, il y a la mondialisation libérale qui s'impose presque comme une loi de la nature à tous les décideurs politiques qui sont donc sortis du politique. En réalité, ce sont des animateurs. Et je dis, au moins, Jean-Marie Le Pen est le seul qui veut essayer d'encore faire de la politique, c'est-à-dire de s'opposer à ce qu'on nous présente comme inéluctable et contre lequel on ne peut rien, et qui est quand même la dictature de l'Organisation Mondiale du Commerce, où l'Europe, d'ailleurs, est le cheval de Troie de la puissance américaine, et même avec comme projet... Puisque les Américains ont la montée de l'Inde et de la Chine, ils savent que dans quelques années, ils vont être obligés de dégringoler de 20% quant à leur pouvoir d'achat, ce qui est une crise à l'Argentine pour tout le continent d'Amérique du Nord. Ils ont déjà comme projet que nous leur servions d'amortisseur dans ce duel. C'est-à-dire que le projet qu'ont les Américains pour eux est tout à fait compréhensible. Je pense que Bush est un patriote. Mais quand on est français, on ne doit pas avoir envie, comme Sarkozy, d'être sous la coupe de Bush, car il a un projet pour nous qui va nous faire souffrir. Hein, parce qu'effectivement, un Américain étant très patriote choisit effectivement de prolonger, de survivre un peu plus longtemps comme première puissance mondiale, alors qu'il n'en a plus les moyens, en nous faisant payer un peu la crise à sa place, qui ne pourra pas durer très longtemps. Et donc moi, je ne vois pas du tout là le Front National comme un parti néo-poujadiste, même s'il y a du néo-poujadisme dans l'histoire du Front National, mais encore dedans. Je vois simplement le seul mouvement qui a le désir de tenter quelque chose pour résister à la fatalité néolibérale, pour essayer effectivement, et là Martinez là-dessus est assez clair, de créer un espèce de front eurasiatique pour essayer de construire quelque chose et de ne pas se laisser, comment dirais-je, se laisser manipuler dans la stratégie aujourd'hui américaine, dont le but est quand même de prolonger son niveau de vie qui est au-dessus de son niveau de vie réel, en nous faisant prendre la crise dans la gueule à sa place. Parce que c'est un peu ça aujourd'hui les enjeux, en dehors même d'avoir une lecture positive de qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est déjà, qu'est-ce qu'on va éviter de subir très vite si Sarkozy est élu. On sait par qui il est financé et sa vision du monde. Je crois d'ailleurs pour ça qu'il ne pourra pas régner très longtemps, parce que les médias ne suffisent pas. Ça va forcément beaucoup s'aggraver en France. Il y a déjà, avec les gens qui sont dans la mouvance du Front National, la volonté de refaire de la politique, c'est-à-dire de résister à ce qu'on nous présente comme une fatalité, et de résister à un personnel politique qui est quand même entièrement collabo, c'est-à-dire qui est payé pour ne plus s'occuper des intérêts de la France, mais qui sont... Moi, je le dis clairement, simplement, des agents américains. Sarkozy, pour moi, est un agent américain. Je veux dire, il le démontre un peu tous les jours, sur le plan géopolitique, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan sociétal. Et je vois pas quelle autre force que le Front National essaie déjà de se dire, on va essayer de résister, de faire encore de la politique et d'essayer encore de défendre les intérêts de la France. Alors après, sur en dire défendre les intérêts de la France, c'est pas favoriser les épiciers les plus rétrogrades. Ça, c'est vrai. Je veux dire, d'abord, on n'est pas dans les associations des années 50, et c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher les yeux face à la mondialisation pour qu'elle cesse d'exister. Mais en tout cas, on peut déjà se dire, je vais essayer de comprendre ce processus dévastateur et d'y résister. Et de résister, c'est un, une analyse socio-économique, et deux, la volonté politique. Alors je crois que l'analyse socio-économique, beaucoup de grands experts la font. Maurice Allais l'a fait très bien, Todd l'a fait bien. Et après, c'est lire ces gens-là, se dire qu'ils ont raison et se dire, j'ai la volonté politique d'essayer de suivre leur diagnostic et leur thérapeutique. Et là, je crois que Le Pen, pour des raisons d'indépendance politique, indépendante des grands lobbies, des grands groupes financiers, et ça on le voit déjà par la diabolisation et par son parcours, est peut-être celui qui peut tenter, d'être encore un leader politique comme l'a été De Gaulle à un moment donné. Moi j'ai un très grand respect pour le De Gaulle, pas seulement pour le De Gaulle de 40, mais le De Gaulle qui vire les bases américaines et qui sort de l'OTAN, en disant la troisième voie est l'intérêt supérieur de la France, et c'était vrai. Nous avons la chance d'avoir deux superpuissances et de pouvoir nous jouer notre jeu d'équilibre entre les deux et d'exister encore. Et on voit bien d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'étais contre la chute de l'URSS, parce que nous, dialectiquement, nous avons tout perdu avec la chute de l'URSS. Les Américains sont devenus une hyperpuissance et qui nous ont fait perdre beaucoup de place qu'on avait encore grâce, je dirais, aux derniers restes de stalinisme. Mais là, on est dans la vraie dialectique du rapport du faible au fort. Et moi, c'est là où on sera jamais d'accord. Je crois que Le Pen est un patriote et qu'il a l'indépendance et la volonté. Il n'a pas forcément lui l'expertise, mais il peut en tout cas agréger des experts. Quand Todd dit qu'il s'est fait rouler par Chirac sur la fracture sociale, je pense qu'il se ferait moins rouler aujourd'hui par Le Pen pour lutter contre cette fracture sociale, effectivement, qui est toujours la même, parce que Le Pen a quelque chose de profondément gaullien en lui, parce que c'est profondément un patriote et un homme indépendant des puissances d'argent. Voilà. Et c'est malheureusement, je veux dire, dans le catalogue qu'on a des hommes politiques aujourd'hui, c'est le moins pire et il n'y en a pas d'autres. Et là-dessus, je vous mets au défi de me dire qui pourrait faire mieux dans les candidats sérieux que Le Pen aujourd'hui pour lutter déjà contre la mondialisation libérale. C'est-à-dire un candidat du non. Hein. Et là, je vous dis, proposez-moi quelqu'un d'autre, là, c'est, à échelle électorale demain. 12 minutes pour Alain Soral, plus que 8 pour Guy. Il n'est pas de sauveur suprême, donc je ne vais pas proposer quelqu'un d'autre, parce que alors ça, je suis totalement fidèle à cette idée, il n'est pas de sauveur suprême. Les génies et les grands timoniers, on a essayé, merci. Tu t'es foutu alors? Non, bien sûr que non. La suite, il n'est pas de sauveur suprême, ses producteurs sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Donc, moi je reste sur ces idées-là. Ce qui veut dire, reconstruire patiemment, il faut reconstruire la politique. Il faut sortir de la résignation intellectuelle, sortir des intellectuels potiches qui sont là pour servir de plante verte dans les meetings de tel ou tel homme politique. Vous vous ferez flouer par Le Pen exactement comme Emmanuel Todd s'est fait flouer par Chirac. C'est-à-dire que il y a un moment en campagne électorale, je ne veux pas forcément nier sa part de sincérité d'ailleurs dans son évolution, mais enfin en campagne électorale, on va chercher, on va construire. Quand ça va trop loin à gauche, il se précipite pour ramener à droite. Quand ça va trop loin dans le sérieux, quand Martinez commence à construire du programme politique, ouf, il se précipite, il va au Monde et il dit « Alors l'euro, vous en faites quoi ? Des confitures. » Formidable. Mais enfin, peut-être que c'est une des seules choses dans la construction européenne qui est un vrai rempart, si on sait l'utiliser, qui est un vrai rempart contre la dollarisation. On a évité la dollarisation de l'économie mondiale avec l'euro. C'est quand même pas rien. Alors après, comment on se sert de ce levier? Comment l'Europe et les nations européennes, ou les nations européennes, est-ce qu'elles ont en commun la structure européenne? Elle existe, il faut la transformer. Comment on se sert de ce levier pour effectivement résister? Bien sûr que les projets de Bush, c'est sauver le niveau de vie américain au détriment de toute la planète. Les projets, une partie du projet chinois est du même type, c'est-à-dire prendre notre place en Afrique en contribuant à sa ruine, parce que nous n'avons pas été capables de la développer, nous Français, mais aussi les partenaires européens qui s'en sont mêlés, les soviétiques qui ont contribué quand ils sont intervenus dans les années 70 en Éthiopie, en Angola, etc., qui ont aggravé la situation, contribué à la ruine de l'Afrique, etc. Comment on répond à ça? Alors, moi, évidemment, comme je ne peux pas répondre en disant je vote machin, même si je vais voter à gauche, je ne peux que répondre que je suis un intellectuel, que je veux trouver les lieux de parole, les lieux de travail. Quand je veux les trouver, il en existe certes. Il en existe certains. Je suis dos au mur, je suis dans un journal qui est par exemple celui qui dit le néolibéralisme est l'ennemi du libéralisme, c'est la charte de Marianne. Voilà, c'est une phrase de Jean-François Eccan, et que je ne prends ni pour Lénine, ni pour De Gaulle, ni pour le Sauveur Suprême, avec lequel en ce moment d'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord sur l'option électorale qu'il a prise, par exemple. Mais sur le fond, le producteur sauvons-nous nous-mêmes, il y a toute une dynamique de la pensée qui doit renaître. Elle doit renaître par la presse, elle doit renaître par l'université, elle doit renaître par les clubs, elle doit renaître pour enfin arriver à irriguer la politique et qu'on repart. Voilà. 12 minutes pour Alain Soral. On est encore d'accord sur beaucoup de choses, mais on tourne toujours autour du même problème. Le néolibéralisme, qui est quand même ce monde de l'argent tout puissant, a détruit et digéré toutes les sphères dans ce qu'on appelait les humanités avant. On voit bien que le livre, qui était à la fois une marchandise et un objet culturel, aujourd'hui n'est plus qu'une marchandise. On voit bien que les maîtres à penser, qui ont encore existé jusque dans les années 70, même comme spectacle, aujourd'hui ont totalement disparu au profit d'animateurs audiovisuels. Et là, une fois de plus, les gens qui ont fait ce travail de destruction sont souvent issus de mai 68 et de la gauche, c'est ça qui est quand même ignoble. Hein. Donc on voit d'ailleurs que le choix Glucksmann est allé jusqu'au bout, puisqu'il rallie Sarkozy, y compris certains journalistes des Inrecuptibles, c'est-à-dire même dans la jeune génération. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en ayant rallié Le Pen que d'autres en ayant rallié Sarkozy, parce que moi, j'essaie encore d'être un révolutionnaire, et ça, on peut l'admettre. Et effectivement, je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses. D'abord, vous ne m'avez pas répondu, mais ça, je vois que vous n'avez pas de réponse, et je le savais, vous pouvez voter pour personne, ça c'est sûr. Non, mais sur le Sauveur Suprême, c'était marrant, parce que le pianiste de jazz derrière jouait Life on Mars de David Bowie. Enfin, je sais pas, moi, j'y vois un lien, mais... En tout cas, vous n'avez pas de Sauveur Suprême à me proposer, ni même de type pour qui vous pouvez voter sérieusement. Vous avez fait allusion au choix de Bayrou pour Jean-François Kahn, qui est un choix anti-système, petite bite, parce qu'il n'a pas le courage de faire comme Soral, dont il admire beaucoup les livres en secret, puisque parfois même il en dit du bien sous son pseudo, je crois, d'Arras. C'est que finalement il choisit Bayrou parce qu'il ne peut pas choisir Le Pen, mais il aimerait bien faire une petite provo Le Pen, à la limite ça le tenterait, je le connais, mais au moins comme acte de provocation punk. Hein, ce qui est évident, c'est que Ségolène est une catastrophe, c'est même une très grave injure pour les femmes d'avoir pris Ségolène pour dire, vous voyez, c'est une Ségolène présidente. C'est la fin du féminisme dans toute son escroquerie, ce qu'on appelait la théorie de la nouvelle femme, que les Américains, les sociologues de gauche américains ont théorisé dès les années 30. Hein. Donc on voit bien que la candidate de gauche est quand même disqualifiée à un point, d'ailleurs je pense qu'on va voir la disparition de la génération 68 là quand même, hein. Ils vont prendre la bouillon en définitif. L'espèce de droite libérale est purement vendue aux Américains à l'ultralibéralisme, donc on a Sarkozy qui est le candidat évident et Bayrou qui est venu là pour faire... une espèce une proposition de cohabitation permanente qui est quand même la chose qui nous a foutu le plus dedans, et lui là c'est pas sérieux. Et à la limite, on n'a qu'un seul candidat dans cette élection, on a que Le Pen, qui au moins dit, moi je suis un homme politique, je vous emmerde, je ne suis pas soumis aux puissances d'argent, et on va partir pour une aventure. Et moi, je dis que cette aventure est peut-être la condition dialectique et momentanée qui peut permettre réellement de casser certaines choses, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de débat possible. D'ailleurs, moi je suis interdit de médias, je vous signale que j'ai été désinvité en moins d'un mois, 4 fois, 2 fois de riposte, 2 fois de e-télévision, où je devais d'ailleurs être face à des gens de gauche et d'extrême gauche. Des gens comme moi, qui ne sont pas totalement des imbéciles, ne peuvent plus avoir accès aux médias aujourd'hui, et il n'y a plus de débat, et tout le monde le sait, ça se passe sur Internet, ce qui n'est pas forcément toujours bien, parce que sur Internet il y a tout et n'importe quoi. Nous y sommes, là. Et on voit très bien qu'on est... Bah là, c'est plutôt mieux qu'ailleurs d'ailleurs, on voit très bien qu'aujourd'hui ça va très mal, c'est-à-dire le gratuit est la punition du médium traître, hein, c'est-à-dire Libé mérite de disparaître et finalement il vaut mieux lire 20 minutes ou le journal du métro que Libé, c'est la même chose, c'est gratuit, c'est des brèves AFP dans les deux cas, et donc on voit bien qu'on va vers de toute façon quelque chose d'un peu... cataclysmique, enfin à l'échelle française, hein, on n'est pas un pays très violent, enfin si on l'a été à certaines périodes, mais et moi je pense que ce grand coup de balai, comme disait Mao, là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas toute seule, je crois que c'est une belle citation de Mao, je crois que le vote Le Pen est dans mon esprit, qui est un vote on va dire gaucho-lepéniste, un vote de dire en gros il y en a marre. Et d'ailleurs, c'est le sujet de votre livre, si j'y reviens, c'est un peu... On peut peut-être conclure sur le livre, d'ailleurs. Oui, le sujet de votre livre, c'est que ça pourrait permettre une prise de conscience, un redémarrage, des états généraux. Je veux dire, quelque part, on pourrait reconvoquer les états généraux. On est dans une période, ce qui m'intéresse d'ailleurs, parce que c'est très français, très révolutionnaire, car comme vous le savez, les Français ne sont pas des réformistes. Ils vont toujours jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu Cromwell, ils ont eu 1789. On va toujours jusqu'au bout dans l'erreur. Les classes dirigeantes, qui sont mondaines et parasitaires en France, pas comme en Allemagne ou ailleurs, et pas très bosseuses, tiennent jusqu'à ce qu'on les vire à coup de pompe dans le cul, et on n'est pas très loin de cette période, comment dirais-je, un peu brutale, quoi. Et quelque part, je sens que vous la souhaitez aussi. Il y en a marre. On peut avoir honte aujourd'hui d'être un intellectuel français, enfin d'être pris pour un intellectuel français quand on regarde les étrangers. Quand les étrangers nous regardent, ils ricanent, hein. Même d'Espagne, c'est-à-dire sur les médias français, la pauvreté du débat, le niveau de censure. Il faut que tout ça arrête. Je veux dire, il faut que tout ça, et d'ailleurs, qu'on puisse discuter. Il y a, dans les années 70 et même en 78, on aurait pu avoir ce dialogue à apostrophe devant Bernard Pivot. On aurait pu l'avoir chez Pollack. Encore aujourd'hui, c'est strictement impossible. Il y en a un de nous deux qui serait pas invité chez Guillaume Durand, on pourrait pas parler plus de 2 minutes, et tout serait fait pour qu'on puisse rien dire. Et ça, c'est un vrai drame qui est très douloureux pour les gens qui aiment les idées, qui aiment les livres, qui ont quand même une épaisseur culturelle et qui représentent la culture occidentale. Je veux dire, il y a quand même une bibliothèque qui est derrière nous, et tout ça. aujourd'hui est foulé aux pieds, et c'est pas Sarkozy qui l'incarne, c'est pas Bayrou qui l'incarne, bien que Bayrou soit agrégé de lettres, je crois, mais bon, il veut pas l'incarner, c'est pas Ségolène. Or, même dans le choix des mots, dans les discours, dans la richesse syntaxique et lexicale, Le Pen est encore le mieux placé. Je vote Le Pen dans mon âme et conscience parce que je veux que le système se casse la gueule, voilà. Et je pense que quoi qu'il arrive, soit il arrivera à gérer, soit il n'arrivera pas, mais le système se cassera la gueule. Je veux que Le Pen soit une deuxième fois au deuxième tour. Je veux vivre ça. Je ne suis pas du tout inquiet du fascisme, moi. Je ne crois pas que ça puisse exister en France. La théorie râle front, quoi. Je veux dire que le retour de l'abbé Timonde, j'y crois pas une seule seconde. Je crois qu'il ne faut pas, comme disait Pasolini, avoir une lutte antifasciste de retard, que le vrai fascisme, c'est le néolibéralisme mondialisé, qui avait très bien compris d'ailleurs les grands penseurs de gauche des années 70, que ce soit Debord, etc. Et il a fallu qu'on leur donne beaucoup de privilèges mondains pour qu'ils oublient ces analyses qu'ils ont produites dès le lendemain de mai 68. Hein, sur le naissance du libéralisme libertaire, hein, qui était quand même le meilleur moyen, c'est-à-dire la droite la plus intelligente du monde, c'est Cohn-Bendit, hein, et beaucoup plus intelligente que celle de Raymond Aron. Et malheureusement, ces gens-là, on vit sous la dictature de ces gens-là, ils ont fait le lit de l'ultralibéralisme le plus violent, et il est temps que ces gens-là dégagent. Et moi, si je peux me servir du levier lepéniste pour les faire dégager, je trouve que c'est moral et tactiquement valable. Voilà. Et je n'ai pas de peur que ça aille au-delà, et je pense qu'après, quoi qu'il arrive, on pourra reconstruire. Et donc, moi, j'appelle au vote Le Pen comme vote révolutionnaire, tout simplement. Il vous reste 4 minutes chacun. Alors, ce qui revient... C'est vraiment pour conclure, faut y penser, là. Ce qui revient, évidemment, une politique du pire. Oui, je pense que ce système sautera. Ce système va sauter. Mais quand, à votre avis? Les choses se dégageront. Ce sera un processus. L'idée, effectivement, d'un processus de type État généraux, à un moment donné, tout le monde, ah, le truc qui sort, par exemple, l'idée de 6ème République, bon, on avait lancé ça à Marianne au tout début, et puis, comme ça devient un gadget, ça devient un gadget parce que c'est balancé de tous les côtés, mais m'en fous du numéro de la République. Mais à un moment... comment se reconstruit la pensée politique, comment se reconstruit un État moderne et comment se reconstruit une relation mondiale et d'abord continentale moderne. Voilà. Bien sûr qu'on va au Big Bang, dedans, il faudra que les structures émergent. Et elles ne peuvent pas émerger, évidemment, à partir de ce qu'est le Front National. Ne serait-ce... Et moi, je suis pas dans la diabolisation, attention, fascisme demain, bête immonde, etc. Tout en disant, je sais d'où ils viennent, qui ils sont, les fantasmes, les gens qui les ont formés, les choix politiques qu'ils ont faits dans leur jeunesse, les gens qui les ont entourés, etc. Tout ça ne produit pas de la pensée, tout ça ne produit pas une vision de la France, une vision du monde, de la politique. Donc ça ne peut pas passer par là. Alors, Konopniki, par rapport à ce que vous dites, j'ai juste une question, je me permets. Est-ce que vous pensez qu'on peut naître à Jérusalem et devenir pro-palestinien? Remarquez, déjà, ça dépend de quel côté... Jérusalem-Est bon, ça c'est... Non, mais quand vous dites, je sais pas, moi, vous dites, je sais d'où vient le Front National, moi je suis pas du Front National, je m'en fous, ouais. Mais est-ce que ça veut dire que je sais d'où ils viennent, donc je sais comment ils sont, et je sais comment ils vont être, d'où ma petite question sur Jérusalem et la Palestine. Non seulement on peut y naître, non seulement on peut y être né, et comme on peut y être venu par patriotisme, vous savez, bon, on est des gens qui ont pu, c'est un privilège extraordinaire dans l'histoire, choisir où je suis de la nation juive ou je suis de la nation française. Moi j'ai choisi, je suis de la nation française. J'ai nombre d'amis, de parents qui ont choisi l'autre. Bien. Or on peut être venu avec cet idéal et se battre depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans pour la construction d'un État palestinien. Pour la construction d'un État palestinien, je peux rendre tout de suite hommage à quelqu'un qui est mon cousin, le cousin de mon père, s'appelle Joe Fuchs, qui est le fondateur de Shalom Arshav, qui était l'un des hommes les plus à gauche dans l'échiquier politique israélien. Il est mort, donc non pas à la guerre, il est mort d'une crise cardiaque dans sa salle de bain, mais, un des pionniers des contacts directs avec les Palestiniens. Et donc, autour de lui, vie, des gens, oui, qui sont nés à Jérusalem ou à... Alors, pour conclure, Guy Konopnik, il vous reste à peine voilà. 1 minute 30. Voilà, mais est-ce que vous pensez que... Ça, c'était en partie... C'était en partie hors sujet, parce que... ou alors, c'est dans le sujet, dire, le patriotisme, c'est pas forcément d'être du côté de ceux qui poussent à la guerre. Je veux dire que quand on dit Bush est un patriote américain, moi je salue les démocrates qui ont beaucoup plus le sens des intérêts du peuple américain et qui disent arrêtons de sacrifier nos fils pour cette connerie qui est la guerre d'Irak, retirons-nous de là et voyons les choses autrement. C'est-à-dire que c'est quoi le patriotisme? À un moment, être patriote, c'est aussi savoir qu'il faut ne pas faire telle ou telle guerre. 30 secondes. Voilà. Et pour finir, 30 secondes. Et ça, c'est aussi la différence d'ailleurs irréductible. Irréductible. Votre mot de la fin? Hein? Je pense qu'il y a une différence irréductible entre le nationalisme étroit, frileux, qui même quand il essaye un programme audacieux, se situera toujours dans le repli, dans la protection et dans le protectionnisme, et le patriotisme... Vous êtes tombé, c'est à la voilà. Conclure. Faut pas appuyer par contre. C'est ça ouais. Oui. Bon, d'ailleurs, on a compris, oui. Oui, moi je crois que... D'abord, moi j'ai pas le choix d'être patriote ici ou ailleurs, j'ai qu'un pays, c'est la France. Et j'ai, pour employer une vieille expression, j'ai souvent mal à la France, parce que depuis 20 ans, je trouve que ça va mal sur le plan social, économique, culturel, et j'ai pas envie de regarder la France se dégringoler et disparaître sans rien faire. Je me sers des leviers du réel, car je suis un léniniste, et je me dis que pour l'instant c'est le vote Le Pen, votre sanction, votre colère, votre de rupture, aussi votre d'espoir, parce que ça peut déboucher sur des choses qui me semblent pour moi très positives, et pas du tout du nationalisme guerrier, parce que je pense qu'aujourd'hui les risques ne sont plus les guerres entre nations, mais les guerres civiles intranationales par le communautarisme, et je vois qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je suis nationaliste sans aucune angoisse, car je crois qu'aujourd'hui, les nations vont nous protéger du vrai danger de guerre, qui est un danger de guerre civile. Il y a plus de... Je ne pense pas que Le Pen ait envie de réenvahir la Pologne, ou qu'il y ait des tensions suffisantes pour que les nations d'Europe puissent rentrer dans la guerre, même dans 30 ans, quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut être nationaliste pour réconcilier les communautés à l'intérieur d'une nation, et notamment de la nation qui est la France. Il faut lutter contre les deux forces de destruction qui sont l'ultralibéralisme et le communautarisme, qui d'ailleurs, l'ultralibéralisme a besoin du communautarisme pour triompher en France, pour détruire certains acquis. Et pour toutes ces raisons-là, je me sens plus proche, moi, de Le Pen comme vote que de tout autre mouvement. Et on est dans une réalité du marché politique où on choisit le moins pire, ou alors on vote pas, ou alors on s'en va. Et c'est vrai que moi, je peux imaginer, comme Victor Hugo, que si Sarkozy passe, je me retire à quelque part du côté de Guernesey, parce que je n'ai pas envie de vivre dans la France, dans une France dont le président sera Sarkozy. Et comme pour moi, le deuxième tour, ça va être Sarkozy-Le Pen, je voterai pour le moins pire des deux, et le moins pire des deux, c'est évidemment Le Pen pour moi. Il vous reste encore 3 minutes. Si, vous si j'ai encore 3 minutes, je peux développer un peu. Ou un poème. J'aurais voulu d'ailleurs savoir si M. Konopnicki allait voter à ces élections. Et s'il y a un deuxième tour, parce que moi je suis un peu. Je prends les paris. S'il y a un deuxième tour, Le Pen-Sarkozy, et qu'il doit voter, est-ce qu'il vote Sarkozy contre Le Pen par principe, ou est-ce qu'il vote pas Alors vous pouvez lui donner. Voilà, je vous donne mon temps de parole pour me répondre à cette question intéressante, amusante, qui rejoint votre livre de fiction un peu. Si un deuxième tour, Sarkozy-Le Pen, effectivement, moi j'avais envisagé dans livre de fiction une hypothèse qui est tout aussi possible d'ailleurs, parce que rien n'est fini dans cette élection, même s'il ne reste que 10 jours. J'avais envisagé une hypothèse. Mais c'est pas la question, c'est entre Le Pen et Sarkozy. Oui. Donc j'avais Le Pen, Le Pen Ségolène. Donc c'est non, il vous donne son temps, vous répondez à sa question. Voilà. Sur Le Pen et Sarkozy, si vous devez voter, vous votez quoi? Je pense que je citerai mon camarade Jacques Duclos. J'ai participé à sa campagne sur Bonnet Blanc. Je n'ai voté ni Poher ni Pompidou. D'ailleurs, j'avais pas encore le droit de vote, mais enfin j'ai fait campagne. Je ne votais ni Poher ni Pompidou. Donc vous voterez blanc. Bah, il y a des chances. Donc vous n'appellerez pas, comme le Besancenot qui avait dit je vote Chirac des deux pieds et des deux mains la dernière fois, vous n'irez pas voter. Je ne pense pas. Bah, c'est déjà pas mal. Donc on a déjà. Mais je ne pense pas me faire piéger de la même manière par Sarkozy. Bah, je suis content de vous l'entendre dire. Il reste 2 minutes 20, encore une petite question. Vous voulez poser peut-être une question, Alain? Pour vraiment la fin, 2 minutes 10. Oui, non, mais alors, je vais poser une question tout aussi meurtrière. Et si Le Pen est éliminé, ce qui peut quand même arriver, alors, Ségolène Royal, Sarkozy, vous faites quoi? Je vote Ségolène Royal. J'ai une réponse. Bon, c'est peut-être un poème pour la fin. 10 jours du premier tour. Un petit poème, Alain. Bérou, Sarkozy, je vais peut-être quand même voter Bérou. Voilà. Dans ce cas-là, j'ai encore une possibilité. Moi, c'est de toute façon, je suis quand même sur la ligne tout sauf Sarkozy, voilà. Moi. Donc je voterai. Je suis capable de voter Bérou aussi. Mais je n'irai pas voter Le Pen, évidemment, contre Sarkozy. Ça, c'est un peu de chance. Mais vous ne voterez pas Sarkozy non plus. Non, je ne voterai pas Sarkozy. Je ne voterai pas Sarkozy. Comme ça, je me doutais que vous ne voteriez pas Le Pen. Mais au moins, vous n'irez pas voter Sarkozy. Non. Vous n'appellerez pas à voter Sarkozy dans un espèce de front républicain grotesque qui a fait beaucoup de mal. Parce que ce délire de l'entre-deux-tours laisse des traces. Il n'y a quand même que dans des régimes totalitaires où on fait descendre des gosses dans la rue. Alors qu'ils ne comprennent rien pour leur montrer l'ennemi, quoi. J'ai dit un certain nombre de choses dans mon livre. Vous l'avez écrit, ça. Je l'ai écrit, ça. C'est-à-dire que y a une chose. On verra ce qu'on fera au deuxième tour. Pour l'instant, on est au premier. Et donc, ceux qui avaient fait en sorte que Jospin ne soit pas au deuxième tour sont allés manifester parce que d'autres avaient voté Le Pen. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Mais je mets le 1er mai à part parce que le 1er mai, c'est le 1er mai. Donc, il y a une grande démonstration républicaine du 1er mai. Je trouvais ça très bien. Mais par contre, les manifs des premiers jours, c'était complètement ridicule. D'ailleurs, je l'avais d'ailleurs écrit dans un autre livre qui s'appelait La gauche en folie. Ils sont contents. Ils étaient soit abstenus, soit ils avaient voté avec leurs pieds n'importe quoi. Pour des candidats ridicules auxquels ils ne croyaient pas, pour ne pas voter Jospin, ça c'est une responsabilité de Jospin aussi, évidemment. Là, mais est-ce qu'il n'y a plus de bande, on va se dire au revoir, 10 secondes. Bon bah ça s'est pas trop mal passé. Je suis très étonné que deux anciens du PC sont aussi d'accord que ça, moi. Bah, ça prouve qu'on est deux anciens du PC. Voilà, je vous remercie en tout cas, et à très bientôt. Il n'est pas infranchissable.